il n'y a pas de problème, je me suis présenté, je sais qu'on me connaît, je vais pas me vanter. Ou alors juste essayer d'inventer. Oh. J'attends que le son revienne et que je renvoie la sauce et que personne ne me retienne. Ici c'est Louis, tu l'as, putain, je vous souhaite la bienvenue. Yo, je suis pieds nus, ou presque, je suis en chauffe-eau. Ici c'est Louis, putain, qu'est-ce que j'ai chaud. J'ai dû trop fumer de joint dans mon quartier, bordel. Et je sais qu'il y a mon adjoint tout près. Et yo, ici c'est Louis, tu l'as, je peux me laver des nuits entières. Vous pouvez me croire, je suis là et tout le temps sur les nerfs. Peut-être que j'ai l'air d'un petit jeune, un petit sec. Mais bon, j'en ai rien à foutre tant que je défends mon steak. C'est tout ce qui compte, le rythme, j'irai le chercher après. Je sais pas si je suis dessus là. Et j'en ai rien à foutre, tu l'as, est-ce que je suis déçu là? Non, je suis dans la maison à chacha. Moi, ce que je veux dire ici, c'est Louis. Donc, est-ce que je peux renvoyer la sauce? Non, on est tous là, tous présents, avec des bruits pour belles. C'est comme ça qu'on dit, ici c'est Louis, tu l'as. Michel, t'es une belge, yo. Pourtant, je suis français et une d'origine martiniquaise et espagnole. Ici c'est Louis, peut-être on est trop défoncé, yo. On est espagnol, je compte me retrouver comme mes gars. Tu peux me croire, je suis là, putain, qu'on fait la gare. Et je donne mon truc naturellement, ça sort du cœur tout le temps. C'est comme ça, c'est Louis, tu l'as. Putain, je pense pas que c'est bêtement. Je fais le truc et c'est que ça filme. Alors, je sors pas de frime, j'envoie la sauce bien comme il faut et je ne joue pas même dans un film. Ouais. Yo, je reste juste un mec qui rime. J'appartiens pas au syndicat du crime. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme victime, bordel? À tous les fans qui lèvent les bras seuls. Yo, ici c'est Louis, tu vois, qu'est-ce que je fais? J'embrasse ma mémé au ciel. Et en plus, c'est une petite dédicace comme ça. Ce que j'aime, ce que je préfère, je suis là. Et je suis pas en train de me voiler la face, je le sais bien. Chacun peut envoyer la sauce. Donc, ça vient à vous, les gars. Je suis là et puis Dieu me donne la force. Yo, ouais, ouais, ouais. Tiano, interprété par la présence d'une chaleur vive, malsaine, incorruptible, tutoyé par un système corrompu. Vu la décadence, les choses vont mal et ne changent pas. Voilà vu que je mène le vécu. Je vis ce que je vois dans ce monde confus, scandaleusement malmené par les dirigeants de notre nation. FF, la